marié cap placé. Parete prita hiverne. Monsieur cap marié cap placé. Parete prita hiverne. Tout ça ou fait la passe na mer. Charité ou va mandé. Tout ça ou fait la passe na mer. Charité ou va mandé. Ou travaille du pour payer loyer. Ou dépenser tous les jours. Ou travaille du pour payer loyer. Madame pas content, maman bien boudé. Tombé pas bien tous les jours. Madame pas content, maman bien boudé. Tombé pas bien tous les jours. Wap travaille du pour payer loyer. Pour dépenser tous les jours. Wap travaille du pour payer loyer. Pour dépenser tous les jours. Madame pas content, maman bien boudé. Tombé bagué tous les jours. Madame pas content, maman bien boudé. Tombé bagué tous les jours. Non même garçon cap marché remè. Cherchez bon bon précaution. Non même garçon cap marché remè. Cherchez bon bon précaution. Tout ça ou fait la passe. Bye-bye. baga qui pire là. Ça même j'ai pour la caille moi. Ça c'est son pas moi. Gen bel Haïti. Chita dans porte là. La surveiller par exemple on fini. Ma toi mais rentrer. Là le faire radiographe. Li baille la donne. Li baille la donne. Mes amis, la ville au biais.